Jean Bosco, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Un avion d'Air Burundi qui ne fonctionne plus depuis 2012 est pourtant censé subir des entretiens avec un budget de l'État voté chaque année. La question a été débattue à l'Assemblée nationale vendredi devant le ministre des Finances, qui visiblement n'a pas convaincu les députés, vous l'entendrez. Et des biens de la population sont saccagés par des hippopotames qui quittent facilement leur milieu de vie en profitant de l'absence de certaines infrastructures. L'Office burundais pour la protection de l'environnement est interpellé. Des propriétés occupées aujourd'hui par certains batois de la colline Kayange en commune Musigati de la province Bubanza font objet de litiges avec leurs voisins qui voudraient les récupérer pour les avoir achetés aux parents ou grands-parents de ces batois. Nous appellerons notre correspondante. La chronique santé de ce mardi concerne les sinusites. Un spécialiste ORL, otorhino-laryngologie, viendra nous en parler. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le budget d'entretien à Madrid, en Espagne, d'un avion du gouvernement burundais sème le doute au sein des députés qui l'ont clairement exprimé au ministre des Finances. Nestor Naounouye leur présentait son rapport d'utilisation des fonds publics pendant les 6 premiers mois de l'année budgétaire 2024-2025. Pour ces élus du peuple, il est inconcevable qu'un fonds de réparation de cet appareil figure toujours sur le budget de toutes les années et ces députés proposent alors que cet avion soit vendu carrément pour qu'on en achète un autre. Un reportage d'Alexis Naïsenga. Certains députés proposent que le ministère des Finances cesse de mettre dans ses prévisions un budget destiné à l'entretien de l'avion d'Air Burundi. Se trouvant à Madrid, en Espagne, l'honorable Pamphile Maraïka veut savoir si son ministère a déjà fait des calculs pour connaître le montant global déjà payé pour l'entretien de cet avion du gouvernement burundais. En ce qui concerne l'entretien de l'avion, c'est une question qui nous préoccupe. La prévision budgétaire initiale était de 337 millions, à laquelle ont été ajoutés 234 millions, portant le total à 571 millions. Chaque année, un budget est prévu à cet effet. Je vais donc demander au ministère de procéder à des calculs afin de déterminer le coût global de l'entretien de cet avion. Cela nous permettra d'évaluer s'il serait plus judicieux de le vendre pour acheter un autre. À cette question, le ministre des Finances, Nestor Naounouye, ne donne aucune précision, mais déclare que, selon le règlement, cet avion doit être entretenu en toutes les circonstances. Concernant la question de l'avion, il s'agit d'une décision qui sera prise. Nous transmettrons vos recommandations au gouvernement. Toutefois, nous devons savoir que, conformément au règlement, l'avion doit être entretenu en toutes circonstances. Entre-temps, une question pareille était adressée au porte-parole du président de la République du Burundi, Rosine Gatoni, lors de l'émission publique des porte-parole de différentes institutions. C'était le 27 mars cette année. L'appareil de l'Air Burundi est encore à Madrid. En prise, une commission a été mise en place par le ministère des Transports pour voir si l'avion peut être réparé pour 10 bons ou qu'il peut se vendre s'il découvrait que la réparation demande beaucoup de moyens. Donc, la commission est à l'œuvre. Il faut plutôt la soutenir pour qu'elle donne le rapport le plus rapidement possible car ils sont au courant que les Burundais suivent de près en rapport avec les choses publiques. Et c'est une très bonne chose. L'appareil d'Air Burundais stationné à Madrid en Espagne ne fonctionne pas depuis 2012. L'État devrait apporter son appui aux partis politiques pour qu'ils puissent s'occuper réellement de l'espace politique. La recommandation a été formulée ce mardi dans un atelier de présentation des résultats d'une étude sur le financement des partis politiques, un atelier organisé par l'Olicom. Diomède Ninheretse, auteur de l'étude, déplore que la loi en vigueur sur les partis politiques n'a pas de caractère contraignant vis-à-vis du gouvernement en matière de financement des partis et a par ailleurs constaté que 40% n'existent que de nom, puisqu'il y en a même qui n'ont pas de permanence. On l'écoute. on constate que depuis lors, les partis politiques n'ont jamais eu aucun financement. Ça, c'est le premier constat. Et depuis cette période que j'évoque, les partis politiques se sont affaiblis parce qu'ils ont manqué les moyens techniques, les moyens financiers, les moyens humains et voilà, tous les moyens nécessaires pour pouvoir effectivement avoir l'accès à la population. Certes, il y a eu une amélioration au niveau du cadre légal, surtout sur l'article 83-84, où effectivement, on reconnaît que l'État pourra financer les partis politiques pour le fonctionnement et même pour la campagne électorale. Et depuis lors, cette loi, effectivement, ne stipule pas les critères d'abord, les critères de financement, mais aussi, on dit que l'État paie et ne doit pas. Alors aujourd'hui, alors depuis ce moment-là, il n'y a pas eu aucune loi d'application. Et les partis politiques, surtout d'opposition, continuent à souffrir et n'ont pas l'accès, effectivement, à la population. Je crois que ça dépendra, effectivement, d'un cadre légal et institutionnel qui sera organisé au niveau de réforme et où on déterminera les critères d'éligibilité à ce financement, parce que ce n'est pas de dire que chaque parti politique devra avoir un financement tout de suite. Il y a certaines conditions que l'État devra mettre en place en discussion avec les partis politiques, notamment avoir les membres, notamment être à mesure de donner le rapport. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on disperse comme ça et qu'on donne comme ça. Dans d'autres partis, comme je vous ai dit, on a montré des exemples du Sénégal, du Gabon, ou même du Maroc, où il y a un montant X destiné pour le financement des partis politiques. C'est à ce niveau-là qu'on pourra dire quels critères il faut pour ce financement. Diomède Ninheretse, auteur d'une étude sur le financement des partis politiques, étude qui avait été commanditée par l'organisation Olicom. Certains batois de la colline Kayangé en commune Moussigati de la province Bobanza s'indignent des convocations qu'ils reçoivent de la part de la commune. Le chef de zone Moussigati explique vouloir les entendre dans des réunions collinaires sur le conflit qui les oppose à leurs voisins autour des propriétés qu'ils occupent aujourd'hui. Explication dans cette correspondance d'Ospes Caritas Kabanyana. Eric Miburo est moto de la colline Kayange en commune Moussigati dit ne pas comprendre pourquoi lui et d'autres batois reçoivent quelquefois des convocations en provenance de la commune alors qu'il n'y a pas de conflit entre eux et la commune, comme ils le disent. Il précise qu'il y a un groupe de personnes de la même colline de Kayange qui ont déjà pris une partie de leur propriété et veulent continuer à les exproprier en récoltant même des noix de palme qui sont dans des propriétés des batois. De même, Vestine Manilakiza, une femme de 35 ans, déplore le fait qu'elle n'a pas pu récupérer le terrain laissé par son père sur la colline Massare. Les notables de cette colline lui auraient exigé, elle et ses sœurs, de recevoir un montant de 270 000 francs burundais pour qu'elle reconnaisse la vente de cette propriété vendue par son père qui n'est plus. Jean-Claude Boutchoumi de la colline Kayange dit que son père avait de vastes propriétés foncières, mais déjà occupées par certains habitants de la colline Buhurika qui disent avoir acheté cette propriété, une vente que Boutchoumi Jean-Claude n'accepte pas car les acheteurs donnaient soit une poule, soit de la viande pour décrocher une propriété. Ceux qui sont accusés d'exproprier ces batois, qui n'ont pas voulu s'exprimer à nos micros, expliquent que ces propriétés ont été bel et bien vendues par les parents de ces batois, mais actuellement, c'est leurs descendants qui s'opposent à ces achats. Cela est également confirmé par le chef de zone Moussigati qui précise que ces batois ne se présentent même pas dans des réunions administratives sur les collines où des questions foncières sont débattues. Il a fallu leur envoyer des convocations pour qu'ils puissent participer à ces réunions, comme il le dit. Spes Caritas Kabanyana, Moussigati, Radio Isanganiro. Merci Spes. La forte pression démographique, l'usage des engrais chimiques dans l'agriculture sont quelques éléments qui entraînent la dégradation de la terre, d'après Rémi Marie Nkurunziza, chercheur en environnement. Alors que la journée du 22 avril est chaque année dédiée à la terre dans le monde entier, cet enseignant d'université propose la limitation des naissances et le recours aux différentes méthodes de protection de la planète Terre. Suivez. Il faut à tout prix protéger notre planète Terre parce que nous n'avons pas nulle part où aller que de rester ici. Alors, rester ici si nous voulons que notre progéniture puisse vivre sur cette Terre au moins pendant autant de décennies qui restent, il faut que nous ayons un comportement responsable et nous adoptons un comportement responsable en protégeant cette planète, en évitant la pollution de toutes sortes et en essayant de préserver ce qu'il y a à préserver. Et je note surtout à protéger les lacs et à protéger les rivières qui sont maintenant la source de l'eau que nous utilisons. Voilà que l'eau est en chute libre en termes de quantité et même de qualité. Je dis ici, l'eau douce que nous pouvons utiliser est en faible quantité maintenant et elle est menacée par la pollution de l'homme. Alors c'est pour cela qu'il faut mener des actions qui visent la protection de l'environnement et la protection de cette planète Terre. L'homme est au centre alors du changement et même de la protection de la planète Terre et qui nous est cher. Donc tous, il faut protéger à tout prix. Les conséquences de l'action de l'homme sur cette planète Terre sont de plusieurs formes. Premièrement, on note ces changements climatiques qui occasionnent des fois l'augmentation des déserts, l'augmentation donc des pluies torrentielles qui par endroits occasionnent des inondations, des tsunamis, et des tornades dans plusieurs pays, mais aussi, comme je l'ai dit, la rareté des pluies dans certains endroits. On peut aussi noter surtout la pollution de plusieurs sortes due aux activités de l'homme. On souligne surtout l'eau qui est beaucoup plus menacée par l'activité de l'homme, l'activité des industries, mais aussi les changements climatiques, comme je viens de le signaler. Rémi-Marie Nkurunziza, chercheur en environnement. Certaines infrastructures ont été emportées ou détruites alors qu'elles empêchaient aux animaux de quitter le lac Tanganyika pour saccager des biens dans des ménages. Certains habitants de la zone Outerere déplorent par exemple que des hippopotames ne cessent d'endommager leurs champs de culture. Ils demandent à l'Office burundais pour la protection de l'environnement de réparer la brèche détruite afin que ces mammifères semi-aquatiques puissent rester dans leur milieu de vie. Reportage signé Clovis Niyongour. Arrivé à la plage dite Ex-Safi Beach, précisément située entre le port de Bujumbura et la station de pompage de la régie des eaux, on observe certaines brèches au bord du lac Tanganyika. Les habitants rencontrés sur place, même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer sur nos appareils, indiquent que les animaux aquatiques, à savoir les hippopotames, sortent facilement du lac puisque ces infrastructures ont été inondées par les eaux du lac Tanganyika. Quant aux habitants de la zone Buterere, ils affirment que les hippopotames ont quitté le lac et se sont installés actuellement dans la station d'épuration des eaux usées de Buterere. En outre, ils précisent qu'ils endommagent quelquefois leurs champs. Ces hippopotames endommagent les champs. Donc, ils proviennent du lac Tanganyika en passant par le Savonore et traversant la route pour parvenir à la station d'épuration des eaux usées de Buterere. Il demande à l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE, de réparer les brèches pour la stabilisation de ces animaux aquatiques en vue d'assurer leur sécurité et les zones champêtres. Au bord de cette station d'épuration se trouvent des champs, des amarantes et d'autres cultures, c'est-à-dire que les hippopotames les dévorent pendant la nuit. Cela est causé par les infrastructures qui ont été inondées ou on dirait une clôture. Pour assurer la stabilisation de ces animaux aquatiques, il faut que ces brèches soient réparées ou qu'il y ait une clôture bien construite. Contacté à ce sujet pour réaction, le directeur général de l'OBPE nous a renvoyé au ministère de l'Environnement, lequel nous n'avons pas encore réussi à joindre. Clovis Niyomour. Dans la suite des lectures que nous vous partageons sur les dispositions de la loi portant réorganisation de l'administration communale du 7 juin 2024, aujourd'hui nous revenons sur la gestion de la colline ou du quartier. Cette entité est administrée par un conseil de colline ou de quartier de 5 membres élus au suffrage universel direct. Lydie Gahimbare. Isanganiro. À la technique, on m'a fait signe qu'il y a une coupure d'électricité sur la machine que l'on était en train d'utiliser, mais qu'on va peut-être réparer ça dans quelques secondes. À la technique, on a des ennuis pour réparer ça. Sinon, je vous disais que aujourd'hui, dans la suite des lectures que nous vous partageons sur les dispositions de la loi portant réorganisation de l'administration communale du 7 juin 2024, nous revenons sur la gestion de la colline ou du quartier. Et cette entité est administrée par un conseil de colline ou de quartier de 5 membres élus au suffrage universel direct. À la technique, on m'a fait signe que l'on a des ennuis pour balancer les éléments. Sinon, en actualité internationale, les funérailles du pape François se dérouleront samedi 26 avril au matin sur la place Saint-Pierre au Vatican. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus, mais aussi des dirigeants étrangers comme les présidents ukrainiens Volodymyr Zelensky, le français Emmanuel Macron ou l'américain Donald Trump. Et la Pologne et l'Italie ont respectivement décrété 1 et 5 jours de deuil national. La technique, on m'a fait signe qu'on peut revenir sur la lecture de la loi sur la réorganisation de l'administration communale en ce qui concerne la gestion de la colline ou du quartier. Lydie Gahimbare. L'article 77 de cette loi stipule que les membres du conseil de colline ou de quartier sont élus à titre indépendant au suffrage universel direct. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le chef de colline ou de quartier. L'article 79 de cette loi stipule que le conseil de colline ou de quartier se réunit au moins une fois le mois en session ordinaire sur convocation du chef de colline ou de quartier. Et l'article 80 de cette loi stipule que le chef de colline ou de quartier est l'animateur de la paix sociale et du développement dans sa circonscription. Pour ce faire, il organise au moins une fois par trimestre une réunion ouverte à tous les habitants de la colline ou du quartier pour analyser une situation politique, sociale, économique et sécuritaire qui prévaut sur la colline ou dans le quartier. L'article 81 de cette loi stipule qu'en concertation avec le conseil de colline ou de quartier, le chef de colline ou de quartier a pour mission de proposer des actions de développement sur la colline ou dans le quartier. Il doit suivre la mise en œuvre du plan collinaire du développement communautaire. Et l'article 83 de cette loi stipule qu'en cas de vacance de poste du chef de colline ou de quartier, l'administrateur communal informe le gouverneur de la situation et le candidat au second rang devient le chef de colline ou de quartier. Radio Isanganiro, chronique santé. La chronique santé de ce mardi concerne la sinusite. C'est une inflammation des sinus de la face due à un virus ou à une bactérie, avec pour symptômes des douleurs faciales, une fièvre et une douleur aggravée par la toux. Selon Dr Jean-Jean Tirumbe, spécialiste en otorhinolaryngologie, il indique que les personnes susceptibles de développer cette maladie sont celles qui contractent souvent des rhumes. Ornella Mucho. Une sinusite est une inflammation des sinus, des cavités situées autour du nez et des yeux. Docteur Jean-Jean Tirumbete, spécialiste des maladies de la gorge, de l'oreille et du nez, indique qu'elle peut être aiguë durant moins de 4 semaines ou chronique persistant plus de 12 semaines. Il souligne aussi que la sinusite peut être provoquée par plusieurs facteurs, notamment les infections virales, comme le rhume qui bloque les canaux de drainage des sinus, les allergies comme la poussière qui irrite les muqueuses. La pollution atmosphérique ainsi que les changements climatiques peuvent favoriser ou faire avancer vers une évolution de la sinusite. Tout le monde peut développer une sinusite, mais on le voit dans notre travail quotidien, c'est à partir chez l'enfant de 10 ans jusqu'à l'âge adulte qu'on peut avoir une sinusite.